France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Le Japon fut un bon décor pour un album de science-fiction, une histoire de cybernétique. Cela s'appelait, cet album de bande dessinée s'appelait Les trois formules du professeur Sato. À l'époque de l'émission qui suit, 1987, la deuxième et dernière partie de cette aventure n'avait pas encore été dessinée. Bob Demore allait s'y atteler. Depuis, on sait que Black et Mortimer, car c'est de ces héros qu'il s'agit, formule à prononcer avec trois points d'exclamation, on sait que Black et Mortimer ont survécu à Edgar P. Jacobs, leur créateur. Pour preuve, La malédiction des 30 deniers, signé Jean Van Hamme, René Stern et Chantal de Spiegler, publié aux éditions Black et Mortimer. Voici le deuxième volet de cette série, diffusé pour la première fois sur France Culture le 8 août 1987. Edgar P. Jacobs. Un opéra de papier. Ce que j'aime dans les bandes dessinées de Jacobs, c'est d'une part la perfection du détail et un texte qui dépasse largement ce que l'on met dans les bulles habituellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une histoire qui est construite, une histoire à rebondissement, une histoire dans laquelle rien n'est laissé au hasard. Mais enfin, c'est un tout quand même, hein, que l'on aime. Et même à travers les bandes dessinées, si on n'a pas rencontré l'auteur, c'est-à-dire Jacob, c'est bon, il y a quand même peu de gens qui ont eu la chance de le rencontrer, on le devine également. C'est-à-dire que vient se mêler à l'image, au texte, une personnalité, et une personnalité des plus chaleureuses. Pour moi, les plus grandes années de la bande dessinée, c'est justement la période 70-80. Vraiment, on a vu l'éclosion de Giraud, de Tardy, de Druyer, Mézières, d'un autre genre, Cabu. Pour les réalistes, maintenant ils disent la ligne claire, je sais pas ce que ça veut dire, mais pour les auteurs réalistes, le plus grand, ça a été, ça a été le Jacobs. Il a vraiment marqué son temps. Les gens se sont inspirés de la rigueur de. C'était un maître. Moi, je dois dire que j'étais sidéré parce que il y avait ce que je connaissais, ce que j'avais lu. J'avais lu sur lui par les spécialistes de la bande dessinée. Je savais qu'il avait fait un petit peu d'opéra, qu'il avait fait un peu de. Qu'il avait d'abord fait un peu de dessin, ensuite qu'il avait fait de l'opéra. J'avais vu à plusieurs reprises son cahier d'écolier qu'il avait conservé depuis l'âge de 5 ans, où il s'amusait à refaire les tableaux d'Édouard de Taille ou d'Alphonse de Neuville. Mais j'imaginais pas toute la vie qu'il avait vécue. Alors là, je dois dire que j'ai été soufflé parce que j'ai appris qu'il avait eu un CAP l'équivalent d'un CAP de comptabilité, qu'il avait été dessinateur à l'équivalent d'INO, je crois que c'est les galeries en SPAC. Et alors à l'époque, il faisait les dessins comme les catalogues de la manufacture de Saint-Étienne, c'est-à-dire que tous les dessins étaient faits à la main. Donc il a eu sa période salamanger, il faisait des salamangers, des salons, mais tout ça à la plume, à la main, au tire-ligne, très très bien. Et alors après, il y a eu son aventure fabuleuse de l'opéra. Et si la guerre, ça, il a toujours eu au fond de lui-même quelque chose au fond du cœur pour l'opéra, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, il serait resté dans l'opéra, donc toujours second rôle. Bob Demore, vous êtes très bien connu. Jacobs, vous avez beaucoup lu son œuvre. Oui, j'étais un de ses lecteurs. Quand je commençais à travailler comme dessinateur de bande dessinée, et quand j'ai vu le journal de Tintin en 46, là j'ai découvert au fond les dessins de Jacobs, Blake et Mortimer. Et comme moi, depuis quelques années déjà, j'étais dans le métier, je ne pensais pas qu'il y avait... Moi, je croyais que c'était un Anglais, qu'il était Anglais. Bon, je connaissais Hergé, bien entendu. Mais Jacob, je me dis, tiens, ça c'est un étranger qui n'est pas d'ici, quoi. Après, j'ai su que c'était un Belge, qu'il était bien Belge. Et j'étais un de ses admirateurs. Et quand je suis venu à l'équipe de Tintin, bien sûr que je m'inspirais un peu de ses dessins, de ses œuvres, comme ça. Et comme c'était un homme inquiet, il était déjà pas tranquille comme ça quand il y a des dessinateurs qui le admirateurs, mais qui disaient oui, mais enfin, il était toujours un peu comment dire, j'étais très inquiet qu'on lui piquait des choses comme ça. Il a toujours été comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Bob de Mort, quand vous dites que les dessins vous inspiraient. Oui, quand on est jeune dessinateur, bon, moi, bien entendu, j'ai dessiné depuis que j'avais 4 ans, que je pouvais tenir un crayon à main. Mais bon, on regarde autour de soi. Et au cours des années, j'essayais de, comme je voyais les bandes dessinées dans les journaux. Et puis je me demandais, mais comment ça se fait que c'est bien noir? Parce que moi, j'avais un crayon, des crayons de couleur, mais je n'arrivais jamais, je ne comprenais pas comment dans les journaux, c'était noir. Puis j'ai découvert l'encre de Chine quand je ne sais pas, moi, 5 ou 6 ans. Alors là, c'était pour moi le miracle. Mes dessins étaient comme dans les journaux de bande dessinée. Et puis bon, quand il s'avérait que ça devenait mon métier, on avait les gens qui dessinaient avant soi et automatiquement, on s'inspire un peu de cela jusqu'au moment où on a trouvé ça... Son propre style. Quel est l'album que vous préférez de Jacobs? Ah, je crois que c'est Le Secret de l'Espadon, parce que c'est la première histoire que j'ai découvert. Et puis c'était juste à l'époque, après la libération, 5-6 ans après la libération, on était encore plein, on sortait de la guerre, on était content de vivre encore, et ça m'a impressionné. Et c'est pour ça, moi, je croyais que qu'il était anglais, américain, enfin bon, je pouvais pas savoir qu'un Belge pouvait faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait de neuf, selon vous, dans Le Secret d'Espadon et dans la BD de Jacobs? Mais c'était une clarté, une compréhension que je n'avais pas toujours trouvée dans les bandes dessinées américaines. Que j'aimais bien, j'admirais. Puis c'était avant la guerre, c'était les seuls, presque les seuls, à part de Tintin, puis il y avait encore Bécassine et tout cela. Mais ça m'est, au fond, quand j'ai vu les dessins de Jacobs, les dessins d'Hergé, quand j'ai découvert les dessins de Tintin et de Martin, même en venant au journal de Tintin, ça m'a beaucoup, je ne sais pas, c'était plus européen sans doute. Chez Jacobs, c'était justement cette manière de raconter. C'est théâtral, que j'aimais bien, ce qu'il faut, je crois, dans une bande dessinée. Et ses dessins merveilleux, ses inventions, l'espadon et tout ça. Je dis, oh là là là, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? Mais ça, hein, ça doit être vrai, c'est comme vrai, quoi. Enfin, c'est comme pendant la guerre, quoi. C'était vraiment magnifique. Et puis, j'ai essayé de faire aussi bien, qu'il était difficile. Le scénario, j'ai dû le ficeler en très peu de temps et j'ai évidemment choisi la science-fiction comme le plus acceptable pour moi, enfin. Et nous étions encore sous l'impact donc de la guerre, au fond. Et c'est ça qui m'a fait choisir ce grand sujet avec, comme, je ne sais pas, un goût de revanche sur ce qui s'était passé. Et en ce moment-là, il y avait encore la guerre entre l'Amérique et le Japon. Et puis, nous n'étions au courant d'aucun des grandes découvertes qu'on avait faites, c'est-à-dire les avions à réaction, le radar, tout ça, c'était absolument inconnu pour nous. Et c'est ça que, lorsqu'on voit donc les premiers projets que j'avais faits, pour l'Espadon, ça peut paraître naïf, enfin, comparé aux armes que nous possédons maintenant. Et j'étais d'abord parti d'une idée, donc il fallait... Le monde entier est donc occupé par les jaunes, hein, pour pas citer de pays, et il fallait donc trouver un engin qui soit suffisamment puissant pour tenir tête à l'armement ennemi, mais aussi suffisamment petit et escamotable pour échapper aux recherches. Et alors, c'est ce qui m'avait fait donc d'abord penser à une espèce d'avion extraordinaire qui serait lancé d'une base sous-marine. J'avais pensé aussi d'un engin téléguidé, toutes ces histoires-là, mais sans connaître au fond ce qu'on trouvait maintenant, qui étaient déjà les premiers avions à réaction que les Allemands avaient découverts. On n'en savait rien. Et alors, le radar, encore une fois, on parlait de ça comme d'un engin mystérieux, mais on ne savait absolument pas ce qu'il était, quelle était sa forme, comment on l'employait. Alors bon, j'ai longtemps hésité sur cette espèce donc d'engin volant, mais qui avait des performances exceptionnelles. J'avais toujours peur d'exagérer, de tomber dans le gadget du Space Opera. Mais notre rédacteur-chef m'a dit, toi pas t'occuper de ça, vas-y à fond, la science-fiction à fond. Et c'est alors que j'ai créé donc l'espadon volant, donc qui permet d'attaquer par le ciel, au ras de l'eau, comme un sous-marin, sous l'eau, en torpillant comme ça, ou enfin faisant tout ce qu'il fait maintenant et tout ce qu'on fait, puisque entre-temps, les Américains ont eux-mêmes créé un sous-marin volant. À la suite, ces autres histoires, je les ai toujours suivies avec beaucoup d'intérêt. Chaque semaine, quand il y avait, avec le journal de Tintin, je le lisais de A à Z, que je ne fais plus maintenant, mais peut-être que je n'ai pas aussi bien le temps maintenant. Et puis bon, moi je ne sais pas, je crois qu'en ces 35 ans, c'est une époque avec des dessinateurs formidables. Alors je peux dire que j'y étais, ça c'est formidable aussi. Et j'y pense chaque fois, je dis mais voilà, j'étais là dedans aussi, et enfin d'une autre manière, parce que bon, bien entendu, quand j'ai travaillé avec Hergé, je ne produisais pas beaucoup. De temps en temps, l'envie me prenait de faire une histoire, et paf, une histoire de Jacobs paraissait aussi, une histoire de Martin, Lodi à l'époque et tout ça. Alors ça fait quand je... Et puis c'est vrai, parce que les gens, parce que les lecteurs qui de l'époque, qui ont maintenant 35 ou 40 ans, ils ne font que louer toute cette époque-là. Et maintenant, bon, c'est révolu, ça ne se fait plus. Il faut faire autre chose, je crois. Bon, c'est déjà devenu autre chose. Remplacer les dessinateurs qui ont déjà disparu, malheureusement. Je crois que c'est difficile et que ce n'est plus possible. Madame Sales, bonjour, ça va? Est-ce que vous avez encore en stock un commentaire chez les Peaux-Rouges? Parce que j'ai un journaliste de France Culture ici, et alors je voudrais lui en remettre un, ainsi qu'un bouquin sur Jacobs, celui que nous avons édité, là, vous savez. Vous pouvez le faire monter? C'est gentil, madame. Donc, heureusement, il y en a encore quelques-uns de Corentin. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est pas nous qui avons édité ça, mais ça c'est... Un opéra de papier. Oui, ça vous connaissez, je suppose. Je préfère que vous veniez ici, si vous voulez bien. R- Raymond Leblanc, vous avez créé le journal Tintin, le journal très célèbre, oui, qui correspond à une époque assez prodigieuse de la BD. Il y a quelques années, ça fait une quarantaine d'années. Et j'aimerais bien que vous resituiez cette époque avec tous les grands de la BD, et entre autres avec Jacobs. Oui, il y avait Jacobs, il y avait surtout Hergé, hein, qui a été à la base du journal, puisque le journal portait le nom de son personnage. Et puis alors, il y a eu Jacobs, effectivement, qui était un ami d'Hergé. Et puis il y a eu Jacques Laudy, et il y a eu enfin Paul Cuvelier. C'était les quatre mousquetaires. Est-ce que vous pourriez faire un portrait de Jacobs ? Jacobs, écoutez, le seul portrait que je pourrais vous faire, c'est que c'était un homme merveilleux, un grand artiste, un homme de cœur, un ami que je regretterai toujours parce que c'était peut-être de lui que j'étais le plus proche. Nous étions devenus des bons amis dès le départ et j'ai regretté vraiment amèrement sa disparition. Qu'est-ce que vous pensez de son travail, de son œuvre ? Exceptionnel, je crois que tout le monde lui rend hommage. Il était de l'école d'Hergé, de la ligne claire, mais il est devenu tout à fait différent d'Hergé malgré tout. Il avait une conception du scénario tout à fait différente. D'ailleurs, vous le connaissez, je suppose, vous-même. Il n'a fait que, je crois, 8 ou 9 albums et il est devenu très célèbre. Et vous parlez de ses projets, de comment il travaillait ? Ah oui, au début, nous étions très intimes. Nous allions déjeuner pratiquement toutes les semaines au départ, en 1946, puisque nous n'étions que 4 dessinateurs, un éditeur et 2-3 collaborateurs. Et alors, à ce moment-là, il racontait ce qu'il faisait. Il nous invitait chez lui, où il avait, par exemple, dans son studio, par exemple, les armes qu'il aimait beaucoup. Il avait un cadre qui convenait tout à fait à son état d'esprit. Comment vous est venue l'idée d'un groupe, d'une équipe ? Oh, vous savez, ça c'est difficile. Ça se fait comme ça, progressivement. Ça s'est fait grâce à un ami. Nous étions 2 amis déjà, même 3, qui faisions de l'édition. Et puis on a rencontré Hergé. Et puis alors, vous savez, ça s'est enclenché. On s'est demandé est-ce qu'on va risquer ça, parce qu'à la Libération, il y avait un risque. Et puis Tintin était tellement populaire que, après le lancement, on s'est aperçu que c'était le succès. Je parle de la Belgique, hein, parce que nous avons lancé le Tintin en France seulement 2 ans après, en 1948, avec Dargaud. Alors, vous avez vécu quand même la publication hebdomadaire du Secret de l'Espadon, qui est la première grande histoire de Jacobs. Oui, absolument. Ça a commencé par le Secret de l'Espadon. Et on misait d'ailleurs sur cette histoire de Jacobs, qui avait été connu par un autre journal qui paraissait pendant la guerre, qui s'appelait Bravo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il avait fait une histoire qui s'appelait Le Rayon U, qui a eu tellement de succès qu'on lui a suggéré de faire une histoire du même type. Et c'est comme ça qu'est parti l'Espadon, avec le numéro 1 en septembre 1946. Vous l'avez vu travailler de près ? Oui, il m'est arrivé d'aller, quoique c'était un homme assez solitaire, il n'aimait pas beaucoup qu'on l'ennuie, mais enfin, moi j'ai eu les honneurs de son studio 2-3 fois. C'était un homme extrêmement consciencieux, pour ne pas dire maniaque. Il allait par exemple étudier attentivement les décors de ses scénarios. Il est allé au Japon, il est allé à Londres, enfin bref, quand il voulait situer un scénario, il examinait attentivement les décors. Et ça lui coûtait beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Je vous disais tout à l'heure, il n'a fait que 9 histoires sur toute sa vie. Il y a toujours chez lui la lutte célèbre contre la montre. Il remettait toujours à la dernière minute sa planche hebdomadaire. Ah oui, bien sûr. Il a d'ailleurs publié une couverture du journal Tintin, que j'ai eu l'honneur de recevoir comme dédicace, où il montrait tout ce qui, dans la vie, le perturbait, le faisait souffrir, avec le réveil qui sonnait à toutes les heures. Et malgré ça, j'ai autant vous dire que son éditeur, son rédacteur en chef, son imprimeur, ils ont souffert, vous savez. Ils remettaient parfois ses planches le lendemain du jour où il fallait les remettre. Et vous receviez beaucoup de lettres ? Énorme, énorme. Ça a été un succès immédiat qui a été suivi par la pyramide. Je pense que vous connaissez un petit peu les classiques. Et puis alors, le tout gros succès, ça a été la marque jaune. Ça a été un départ en flèche fantastique. Un départ, entre autres, du journal qui Non, le journal n'est pas... Non, parce que le journal avait surtout Hergé. Hein, il y avait surtout Tintin, qui paraissait sur 2 pages. Il n'y avait jamais eu d'hebdomadaire, en fait, qui s'appelait Tintin. De sorte qu'on peut dire que le leader incontestable a été Hergé. Mais rapidement, le succès et les appréciations sont allés également vers Jacobs et vers Cuvelier, qu'il ne faut pas oublier non plus. Ça, c'était aussi un jeune dessinateur qui a fait une carrière fulgurante, qui était en même temps grand peintre, je ne sais pas si vous savez ça, et qui malheureusement est mort trop tôt. Donc le tirage augmentait au fur et à mesure que le temps passait. Le tirage a été fixé au départ un petit peu, si vous voulez, au hasard, malgré qu'on avait fait une petite étude de marketing. C'était difficile après la libération de fixer un tirage. Enfin bref, nous avions fixé 60 000 exemplaires et il a fallu augmenter à 80 000 la semaine suivante. Et à l'époque de la marque jaune ? La marque jaune, alors ça c'était tout gros succès parce que nous étions en France également, dans tous les pays de langue française et de bien d'autres. Là c'était le tout gros succès, je crois qu'on devait tirer 400 000 exemplaires. Quel beau temps. La marque jaune a démarré d'une façon foudroyante, c'était un succès immédiat. À Paris et à Bruxelles, on voyait fleurir sur les murs des marques jaunes, tous les gosses avaient une craie jaune dans la poche, enfin c'est une vraie folie. Et pourtant, il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'on nous tienne jusqu'au bout. Dès le début, ça a commencé, j'avais... une petite illustration qui faisait 1,5 cm sur 2, pas plus, donc en grandeur de parution. Et il s'agissait donc d'un journal, d'un hebdomadaire que le docteur Septimus avait à la main, alors qu'on le transporte de Londres à un patelin pour le mettre hors de danger. Enfin, il est dans le train. Ce petit magazine, enfin, représentait une ballerine du Covent Garden assise en tutu sur un panier de costumes. Ça annonçait le déplacement à New York du ballet du Covent Garden, qui est célèbre d'ailleurs. Et tout le monde sait le côté chaste au fond d'un costume de ballerine classique. Enfin, bon, mais lorsqu'on a découvert ça chez Tintin, alors que ça devait sortir de presse, enfin, ça a été vraiment l'affolement. Hein. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il a fait ? Jacob, c'est un cochon. Or, ils ont voulu... comment, il était trop tard pour recommencer, hein, ou pour supprimer, parce que le planning de l'imprimerie était là. Alors, ils ont dit, mais on va tramer les jambes, pour qu'il n'y ait pas des jambes nues. Encore une erreur. Ils ont tramé les jambes, mais c'était pire, parce que ça faisait des bas noirs, ça faisait Moulin Rouge, Gay Paris, donc c'était foutu. Alors, pour finir, complètement, ils étaient complètement affolés, ils ont décidé de tramer le tout. Ça fait que dans le Tintin, dans les numéros Tintin, cette image était complètement tramée, on voyait vaguement un personnage et tout. Et pourtant, ça a suffi à provoquer l'ire d'un bon père recteur à Paris qui a écrit donc chez Tintin disant que si on voyait encore une image aussi obscène dans Tintin, il interdirait la lecture du journal dans son collège. Avez-vous découvert Satto, enfin lu Satto ? Mais j'ai découvert ça au studio Hergé. Bob Demeure. Parce que les coloriages de cette première partie sont faits au studio Hergé. Alors bon, là je voyais déjà les dessins, je les regardais toujours attentivement. J'étais un des premiers d'ailleurs avec les collaborateurs d'Hergé de voir ces dessins-là. Alors Jacobs venait avec des indications de couleurs et comme il faisait toujours, il a fait tout un paquet de calques avec des indications dessus. Que je me demandais aussi, mais au fond, il aurait déjà pu faire les coloriages lui-même, c'était déjà achevé. Et il venait régulièrement. Et alors, bon, ça, le début de l'histoire, et la suite aussi d'ailleurs, mais surtout le début avec le dragon, par exemple, ça aussi, Ça m'a très impressionné. C'était un peu comme à l'époque de l'Espadon. Et mais ceci n'est pas une chose, une critique, mais on sentait que comme il travaillait difficilement, dur et longuement, j'avais l'impression qu'il essayait de contourner les difficultés, c'est-à-dire sa lutte avec le temps. Et là, il me semble qu'il y avait quelque chose qui avait plus comme à l'époque de l'Espadon. Enfin, j'ai l'impression, mais ça, c'est une question de technique. Il essayait de gagner du temps à mettre moins sur ses planches. Mais je suis certain qu'il a encore plus peiné à ça, à mettre moins sur ses planches que plus. Donc, là aussi, cette histoire-là, malheureusement, ça fait déjà longtemps qu'on attend la suite. Et moi aussi. C'est malheureux. Et maintenant, certainement, c'est très embêtant, cette histoire est là. Et je mets un peu à la place de Jacobs qu'une histoire inachevée, ça doit être très embêtant. Alors bon, hein, voilà, la première partie était là, ça m'a beaucoup plu. Et la deuxième partie, qu'est-ce que ça sera? Je suis très curieux aussi. La seule chose à faire, c'est de la terminer, comme ça je le sais, comment ça se passe. Comme j'ai toujours porté un vif intérêt à la civilisation japonaise et à son art surtout, j'ai pensé que le Japon serait un bon décor pour une histoire de science-fiction, une histoire de cybernétique, parce qu'il y a le côté à la fois traditionnaliste et à la fois ultra-moderne du Japon, qui se prête à ce genre de choses. Et quand on voit où ils en sont au point de vue scientifique, c'est un pays vraiment idéal pour ce genre de choses. Alors j'ai commencé par étudier tout ce qui avait moyen d'être trouvé dans les bouquins. J'ai étudié donc l'histoire du théâtre japonais, les arts martiaux, enfin tout ce que je pouvais trouver dans les bouquins. Sato, pour moi, j'ai essayé d'en faire une synthèse du Japon moderne. C'est-à-dire, j'ai essayé que par le physique, il rappelle le samouraï. Hein. C'était d'ailleurs très difficile. Et de l'autre côté, montrer le Japon moderne. C'est-à-dire, ces types extraordinaires en cybernétique et dans toutes les sciences modernes. Donc l'après-midi ou dans la journée, il est le directeur de l'Institut des sciences spatiales et aéronautiques de Tokyo. Et le soir, quand il rentre dans sa villa de la baie de Sagami, après l'honorable Furo, il se retrouve en yakata, comme au Japon ancien. Et j'ai essayé donc de faire la même chose pour le décor, en choisissant la villa de Sagami avec toute la finesse donc de la civilisation japonaise ancienne, et le moderne est symbolisé par le New Otani, qui est ce fantastique hôtel au centre de Tokyo. J'ai modelé son visage, j'ai fait des quantités de croquis et ça ne me donnait jamais satisfaction. Elle était bien de face, le profil n'allait pas. Enfin, je ne sentais pas ce type. Or, je sais qu'un personnage doit vraiment mûrir. Et j'en ai fait donc un modelage. Or, je n'avais jamais fait du modelage de ma vie. Et je crois que j'ai trouvé le personnage idéal, enfin. Il avait été très impressionné par Wells. D'ailleurs, il a illustré La Guerre des Mondes. Et c'était un scientifique, en même temps qu'un, qu'un imaginatif, et c'est ainsi que vous avez des histoires dissemblables, oui, mais toujours à base un peu scientifique. Par exemple, la pyramide, le secret de la Grande Pyramide, on commence maintenant à chercher les chambres que Jacobs a décrites. Non, c'est un homme extraordinaire qui a laissé une place irremplaçable. Vous êtes sensible à quelle histoire, vous ? Mais je vous dirais que celle que, pour laquelle j'ai le plus de nostalgie, c'est l'Espadon, parce qu'elle m'a permis de démarrer le journal Tintin. Comment se passait le climat entre Jacobs et Hergé ? Eh bien, c'était des grands amis, ils étaient devenus des grands amis, mais chacun restait quand même sur son camp à soi. Et à un moment donné, Hergé avait souhaité que Jacobs devienne son collaborateur attitré, et il a décliné parce qu'il se sentait capable d'être un dessinateur à part entière. Et ils sont restés d'excellents amis, malgré cela, s'estimant mutuellement. Alors Jacobs est un homme qu'on ne pouvait pas ne pas estimer et aimer, tellement c'était un homme qui débordait de sympathie, et de gentillesse d'ailleurs. Vous avez d'autres histoires, d'autres anecdotes qui vous ont frappé ? Vous savez, pendant 40 ans, on en a pas mal. Maintenant, ce que je vous dirais, c'est que, un peu tristement, lorsque l'affaire s'est développée, lorsque les éditions du Lombard, la société s'est développée, nous avons quitté nos petits locaux initiaux, où on était vraiment un groupe d'amis. Et puis alors, on a habité ces locaux que vous voyez ici. C'est devenu une très grande affaire. Et il faut dire qu'après les 10 premières années, on se voyait moins. On se réunissait, disons, tous les mois, et puis après tous les 3 mois. Et à la fin, j'ai vu Jacobs beaucoup moins parce qu'il était souffrant. Mais la plus belle époque, c'est celle du début. Comme partout d'ailleurs. C'est comme un amour. C'était vraiment un humaniste parce qu'il était vraiment préoccupé par le devenir de l'homme, en quelque sorte. Hein. C'est... Le professeur Sato, c'était pour lui un moyen de se dépayser un peu parce que, après les ennuis et les méventes de ses derniers albums, et les lettres qu'il avait reçues, il avait été un peu conforté dans sa vision de la science-fiction et voulait renouer avec. Et quand je l'ai rencontré en 1967, c'était un homme qui se posait énormément de questions parce qu'on lui avait fait tellement de critiques. Il se demandait s'il fallait conserver Ulrich, s'il fallait, etc. Enfin, il était perdu, disons. Et moi, je l'ai conforté, je lui ai dit que c'était ça la bonne voie. C'était vraiment là, dans ce domaine-là, qu'il était le meilleur. Et je pense que d'autres personnes ont dû lui dire la même chose. Et il a opté pour ce type de, disons, de merveilleux scientifique, en quelque sorte. Mais là encore, il a cette crainte qui revient que la machine... finissent par envahir complètement la planète et que l'homme soit réduit à vraiment à un simple exécutant, quoi. D'ailleurs, il appelle ça la cybertechnocratie. C'est quelque chose d'assez... Cette fois choisi le Japon. Oui. Toujours en avant sur son temps, en 67. Oui, en 67, c'était pas évident, mais c'était un passionné de l'art japonais depuis très longtemps. Il avait d'ailleurs chez lui un salon japonais, d'ailleurs, avec des armures, des bouquets de fleurs, des kebanas. Enfin, il avait beaucoup d'admiration pour l'art japonais. Ça, avec l'Égypte, c'était deux choses qui le... vraiment qu'il lui plaisait énormément. Et c'est pour ça qu'il a choisi le Japon. Mais il ne se doutait pas des difficultés qu'il allait rencontrer pour obtenir de la documentation. Il avait beau avoir une documentation fantastique avec tout ce qu'il pouvait avoir sur ce sujet. Enfin, il lisait énormément de revues. Ça allait de Science et Vie, des revues de vulgarisation de science, en passant par le National Geographic Magazine, Interavia. Enfin, il avait une collection de revues fantastiques. Mais malgré tout, pour avoir des renseignements sur le Japon, c'était très difficile, même en passant par l'ambassade, pour obtenir tel ou tel document, c'était très dur. Hein. Sato 2 Voilà. Mais il y a déjà quelque temps que on me communiquait que... Moi, je ne voyais pas beaucoup Jacobs les dernières années. De temps en temps, je lui téléphonais parce qu'on me disait, oui, il a des problèmes de santé et tout ça. Je dis, bon, je vais lui téléphoner. J'attendais d'avoir au bout du fil... Monsieur fatigué, tout ça, et puis quand je commençais à lui parler, je lui dis, allô, c'est Bob, dit, ah oui, Bob, comment ça va, oui, comment ça va, oui, ça va bien, puis quand je commençais à parler, pas comme un malade, au contraire, je dis, bon, ça va bien. Je savais bien, par l'intermédiaire d'autres personnes, qu'il n'était pas contre qu'un jour, je terminerais son histoire, parce que c'était resté là, en carafe. Bien sûr, moi, je n'y pensais pas tout le temps, mais de temps en temps, on en parlait. Et il s'avérait que Jacobs vient de décéder, qu'il aurait souhaité que je le continue, parce que, bon, on le savait sans avoir jamais parlé ensemble de ça. Hein, je savais bien qu'il aurait aimé que je terminais cette histoire-là. Et moi, ça m'intéressait aussi, justement pour la... Mais il n'avait pas demandé à Hergé pour que tu l'aies dans Sato. Oui, c'est ça, mais ça, il y a pas mal, parce que tout ça, ça fait 10 ans, je crois, ou 12 ans, et même plus que la première partie était achevée et qu'on attendait la deuxième partie. Et j'ai failli travailler avec lui, il y a donc 12 ou 15 ans même, je crois. Mais puis ça s'est pas fait justement parce que je travaillais avec Hergé. Et après, je me disais, tiens, c'est quand même un peu délicat. Et puis le temps aussi, c'est ça. Alors, ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Mais donc, maintenant, ça pourrait se faire. Et ça m'intéresse. Seulement, on s'est mis d'accord que ce ne serait pas pour tout de suite. Parce que moi-même, en quittant le studio, enfin, quand le studio RG ont fermé ses portes le 1er janvier, je consacre tout mon temps maintenant à achever une histoire de Corrie Le Moussaillon que j'avais commencé moi aussi il y a deux, trois ans. Donc j'ai pour le moment beaucoup de projets, ce qui concerne mes dessins à moi, mes histoires à moi. Et dans X temps, je pourrais commencer à regarder, à voir un peu ce qu'il y en a avec l'histoire de Sato. Et éventuellement, mais ça dépend aussi... C'est aussi une question de temps. Il faut que on s'organise, que je suis libre, qu'à un certain moment, je dirais, par exemple, dans un an et demi ou 2 ans, que je pourrais dire, maintenant, je vais regarder sérieusement ce que Jacobs a laissé, et à ce moment-là, me mettre dans le bain, quoi. Et je pourrais dire peut-être par les circonstances, non, ça ne va pas, mais l'entrée, je trouve ça très intéressant et je trouve ça, comment dirais-je, épatant aussi de pouvoir dire à ce moment-là, mais j'ai déjà travaillé avec Hergé, avec Martin aussi, dont j'ai fait une bande dessinée avec Martin, et de dire voilà, j'ai travaillé avec Jacobs, malheureusement, il n'était plus là. Est-ce que vous pensez que la rencontre Hergé-Jacobs était importante pour tous les deux? Oui, je crois, oui, je pense. Bon, c'était avant mon temps, c'était pendant la guerre, Mais je crois que quand je regarde un peu en arrière, Jacobs, Martin, Lodi, moi-même, ça part quand même d'Hergé, parce que Hergé était un monsieur qui pouvait communiquer ses idées, et il avait, et quand on parlait avec lui, quand on discutait avec lui, c'était le maître, quoi. On l'écoutait, et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait fait, c'était épatant, la bande dessinée, ses bandes dessinées, ses histoires, ses textes et tout ça. C'était tout ce qu'il fallait. Alors bon, c'était lui le maître, et ça, c'est un groupe comme ça, que maintenant, comme je disais là tantôt, on retrouve là plus. Je crois que pour Jacobs, il a beaucoup appris d'Hergé aussi. Et bien sûr, Hergé, lui aussi, parce que quand j'ai travaillé avec Hergé, il le répétait plusieurs fois, mais vous m'avez beaucoup apporté. Donc Jacobs aussi, je crois, avait apporté des choses à Hergé. Je crois que c'est toujours comme ça. Une équipe, c'est qu'une petite équipe surtout, entre amis. Quand on s'entend bien, eh bien, l'un prend de l'autre, l'un donne à l'autre. Le désert a été entièrement ratissé par nos automitrailleuses. Les escadrilles ont survolé deux jours et deux nuits, et impossible de retrouver la moindre trace. Je crois devoir vous avertir, colonel Ulrich, que l'empereur attache une grande importance à ses plans. Il est de fort méchante humeur et considère votre échec comme un affront personnel. Si au moins nous savions dans quelle direction il marche. Entrez. Colonel, je viens de recevoir un message d'un de nos agents à Kazarkan. Deux prétendus marchands viennent d'arriver dans cette ville où ils sont hébergés par un certain Zahan Khan, un homme qui ne nous aime pas. On nous signale que, malgré leur costume, ils ont la peau un peu trop blanche pour être vraiment du pays. Ce sont eux, j'en suis sûr. Alertez les postes de la région et faites préparer mon avion. Je veux les arrêter moi-même. À vos ordres, colonel. Capitaine, je crois que cette fois, l'empereur sera content. Enfin, Mortimer, nous touchons au but. Et si tout va bien... Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, nous sommes trahis. Hein? Les zones se dirigent vers Kazarkan. Et le colonel Ulrich vient d'atterrir dans les environs. Il n'y a pas un instant à perdre. À cheval, en coupant par le désert du Makran, nous pouvons atteindre le détroit d'Ormuz demain à la nuit. Aucun véhicule à moteur ne pourra nous y poursuivre. Vous avez raison, Nazir. Oui. Cours demander des chevaux à Zahan Khan. Et rejoins-nous au plus vite avec les montures à la porte de Jask. Bien, Saïd. Ouvrez! Où sont les Anglais? Oh, il n'y a pas d'Anglais ici, Seigneur. Ben, c'est ce que nous allons voir. Fouillez la maison! Il n'y a personne, colonel! Il y a une plante là qui vous intéresse? De commenter, par exemple, de. Que vous avez vu naître? Attendez, hein? Parce que ça nous reporte au moment du lancement du journal Tintin, ça. Alors, voyez-vous, voilà. Ça, c'est le secret d'Espadon. Oui, c'est l'Espadon, c'est ça. Voilà, ça, c'est la première planche du secret d'Espadon, qui est la plus extraordinaire. C'est la base londonienne qui explose. Ah oui, il avait vraiment préfiguré ce qui allait se passer des années après. Et alors, tout ceci, voyez-vous, ce sont les premières planches de Jacob. C'est très émouvant, parce que ça ne nous rajeunit pas. Mais il a eu un tel impact que les gosses attendaient avec impatience la page suivante. Et vous, voilà encore une qui est très caractéristique. C'est venu bien après dans la réalité. Hein. Enfin, vous lirez ça à votre aise. Le péril jaune. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Absolument, il avait préfiguré ça, hein, parce que les ennemis, c'était des jaunes. Et le fameux Détroit, dont on parle beaucoup, d'Ormuz. Ah oui, oui, notamment, bien sûr. Il a vraiment été un précurseur extraordinaire. Et ça, ce sont tous les grands artistes, c'est comme Hergé, quand vous voyez tout ce qu'Hergé a fait, il y a des choses comme l'or noir, etc., qui étaient des, je dirais, de la science-fiction, pratiquement. Hein. Ça, c'est le don des grands créateurs, ça. Enfin, j'espère que cet album vous plaira, parce que c'est un hommage que j'ai voulu rendre à Jacobs. Je crois que cette époque d'après-guerre correspondait à un souhait des gens, de la population, de savoir ce que serait la troisième, la grande troisième. Et ça, Jacobs a préfiguré ce que ça aurait pu être. Le secret des Spadons. Voilà, exactement. Et du coup, les gens se sont dit, non, ça, on va pas recommencer quand même. Et tout en se disant ça, ils disaient, mais comment est-ce que ce sera? Eh bien, Jacobs a montré comment ça aurait pu être. Oui, tout à l'heure, nous disions que les traits n'étaient pas les mêmes, qu'il y avait quand même une sorte de maladresse, en fait. Oui, d'abord, c'était ses débuts, hein, forcément. Et puis alors, il y a eu une évolution, disons, également dans l'art d'imprimer. L'impression n'était pas aussi parfaite qu'après, et surtout dans l'album. Les albums, ce sont des ouvrages soignés au point de vue impression. Oui, Raymond Leblanc, vous disiez tout à l'heure que le Ulrich avait changé. Oui, il a changé en cours de route, bien sûr, il s'est affiné. Maintenant, une chose qu'on ne sait peut-être pas, disons, dans le monde, c'est qu'Ulrich, c'était un peu, pour Jacobs, une façon de s'incarner physiquement. Parce que Jacobs, c'était un remarquable acteur de théâtre et chanteur, et qui avait un peu le physique élégant d'Ulrich. C'était, si vous voulez, un petit peu son côté Mr. Right. Et en plus de cela, évidemment, il a perfectionné son trait. On a par exemple édité récemment un album double format, où vous pourrez voir tout à l'heure, les traits sont retouchés, les coloriages ont été refaits. C'est donc une œuvre d'art comme Jacobs en rêvait. Au fond, tout ce qu'il a fait dans le journal Tintin, ça l'a déçu. Au point de vue, disons, art. C'était un homme qui était partisan de l'art pur. Or, vous savez que l'illustré pour jeunes, c'est de l'art appliqué. Donc, on perd forcément une partie de la valeur artistique. Et ça l'a toujours peiné. Et c'est pour ça qu'avant sa mort, il a voulu voir paraître l'œuvre telle qu'il l'aurait souhaité. Et il m'a souvent dit, si on avait pu, j'aurais aimé que le journal Tintin ait ce format-là. Comme ça, au moins... C'est très grand, c'est presque le double. C'est exactement le double. Donc, c'est impensable commercialement. Hein. Mais nous l'y avons fait. Il a retouché absolument toutes les planches. Oui, c'est-à-dire le coloriage est entièrement refait. Mais il serait intéressant, effectivement, de reprendre les premières planches des premiers Tintins. Ah oui, mais ça, écoutez, c'était l'époque héroïque. Ça, c'est... je vous ai montré tout à l'heure le premier numéro de Tintin. Il avait 12 pages d'un papier très discutable. Et ça n'a pas empêché d'avoir du succès. Si vous deviez sortir ça maintenant, mais il faut même pas commencer. On a fait tant de progrès dans le papier, l'impression, que c'est vraiment l'époque historique, ça. C'était juste après la guerre, il n'y avait rien, et c'était facile. Je pense que, aussi ce qui concerne l'histoire de Jacobs, en tout, c'est une époque. Et cette époque-là, je pense qu'on ne peut plus recommencer ça. Seulement maintenant, si jamais je déciderais cette histoire de Sato, eh bien, je suis de nouveau dans cette magnifique époque et qui n'est pas du tout du vieux jeu. Ça, non, au contraire. Vous avez vécu, Bob Demore, l'époque où Jacobs apportait des planches au journal Tintin ? Oui, mais je dois dire qu'on se voyait pas beaucoup. Je n'ai jamais vu Jacobs qui... Bon, je l'ai rencontré de temps en temps au journal Tintin. Et certainement, il venait pas avec ses planches pour les porter. Puis on discutait un tout petit peu, mais on n'avait pas beaucoup le temps. Chaque année, il y avait un banquet, le banquet de Tintin, et au début, on était une quinzaine. 10 ans après, on en était déjà 100 ou 150 personnes. Mais alors là, donc, tout à fait au début, quand on est 15, on discutait plus facilement, on était plus un petit groupe comme ça, et puis on parlait de notre boulot. Et Jacobs, je me demande si j'ai jamais vu une planche originale de Jacobs. Je ne pense pas à cette époque-là, tout à fait au début. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec lui ? Oui et non. C'est-à-dire que de temps en temps, quand une histoire, je crois que la dernière, donc la première partie de show de Profiteur Sato, quand ça paraissait dans le journal, on nous a demandé de faire un petit hommage à Jacob. Je crois que c'était à cette occasion-là. Alors bon, je faisais toujours des pastiches de ces histoires. Une planche en deux planches. Alors je me moquais gentiment de ces... je me rappelle encore d'avoir fait une planche avec... avec beaucoup de textes, comme c'est très exagéré. Enfin, lui, il exagérait déjà, mais moi, j'en mettais encore beaucoup plus. Avec Ulrich qui entrait, qui était habillé d'un imperméable vert bleu avec une toute petite pointe. J'expliquais tout ça dans cette histoire-là, avec les souliers qu'il caquait, les souliers qu'il avait achetés dans ce magasin-là, la veille avant qu'il sortait. Enfin, bon. Mais je dois dire qu'il en a bien rigolé, parce que chaque fois, je recevais une lettre très gentiment. Il me dit, « Bob, tu m'as fait rire avec ton histoire-là, et je te remercie. » Dans Sato, je trouve qu'il était arrivé vraiment à un style de dessin d'un très grand raffinement et sur le plan plastique, c'est très beau, c'est très étudié. Et on a toujours parlé de son fameux miroir double et devant lequel il prenait des poses absolument invraisemblables pour que ses personnages vivent, parce qu'il vivait intensément tout ce qu'il faisait. Ça aussi, c'est une chose qui est bien connue. Hein. Il prenait la pose pour aussi bien pour Ulrich que pour le commissaire Pradier, que pour les adjoints. Le moindre, même policeman, vraiment, il prenait des croquis. Il avait des tonnes de croquis pour chaque histoire, avant même de passer au dessin proprement dit. Enfin, c'était extrêmement travaillé. Et ce qui demandait environ chez lui un travail qui est de 11 heures par jour, environ 11 à 12 heures par jour. C'était absolument fabuleux. Il avait une très grande capacité de travail qui a évidemment baissé énormément à la fin de sa vie, quoi. Ça... Il y a une planche de Sato 2, la planche 27, qui a été reproduite dans le livre de Claude Le Gallo, consacré à Edgar Jacobs. Et donc, disons, toutes les planches, on pourrait ainsi dire comme ça, il y en a certaines qui sont moins bien préparées, d'autres. Oui. Et, donc c'est... et alors, il a posé pour toutes les poses, donc on a des photos de lui dans toutes les attitudes. Oui. Donc, il y a toute une documentation, il y a tous ces cases, les croquis qu'il a fait. Oui, oui, oui. Donc, tu vois, comme on dit, il n'y a plus qu'à dessiner. Il n'y a plus qu'à dessiner, Et c'est toute l'histoire, c'est les 46, les 46, 46 planches comme sont comme ça. Bien, oui, c'est-à-dire beaucoup. C'est-à-dire, donc, comment on peut dire, le texte définitif est écrit. Il y a donc un croquis donc, à chaque case. Donc, au fond, c'est un dessin préparatoire Le découpage de la planche faite. C'est ce qu'on appelle le crayonné, ça, Bob Devant. C'est le crayonné, mais qu'il faut encore beaucoup travailler. Bien non, c'est une base, quoi, enfin. Et alors, bon. C'est le squelette. Oui, c'est ça, comme le décor, par exemple. Je vois ici un bâtiment. Ça, bon, c'est le bâtiment. Mais ça, il y a des photos de cet hôtel, donc il faut naturellement... Tokyo. Qui est un boulot dingue, parce qu'il y a tous des petits... Oui. Donc voilà un dessin ici qui est une esquisse, quoi, enfin, du bâtiment. Mais il faut ajouter... Enfin, il faut le construire encore. Enfin, je vois qu'il y a la perspective et tout ça. Donc, l'allure... Enfin, l'allure est là, mais il faut achever au crayon. Et puis, bon, il faut repasser. Aussi, les personnages, ils sont... campé, quoi, il faut encore faire, après les photos c'est que tu ça, dis donc, qu'il a, après le document, il faut achever, quoi, ce crayonné. C'est-à-dire que lui travaillait, donc il faisait ça sur un papier, quoi, de, je ne vais pas dire brouillon, mais c'est un papier de qualité moins bonne que le papier dessin, et tout ça est préparé comme ça, mais il faut donc lui dessiner sur calque, et il mettait donc chaque plan avec une couleur différente, c'est-à-dire l'avant-plan d'une autre couleur, l'arrière-plan, vraiment pour bien voir visuellement les plans de chaque situation, de chaque décor. Et ensuite seulement, il redessinait tout sur une planche, donc avec un calque. Et c'était un boulot énorme qu'il faisait, qu'au studio. Hergé faisait ça longtemps également. Je faisais ça aussi. Maintenant, si jamais je m'y mets, je ne dis pas que je ferai ça de la même façon, moi je travaille tout de suite sur le bon papier. Bon, je travaille avec des calques aussi quand je fais mes esquisses au crayon et que je me dis, tiens, ça c'est une position difficile. Alors bon, je demande à quelqu'un, à mon fils, de prendre une pause et je le transmets avec un calque sur le papier. C'est-à-dire qu'au fond ici, ton travail, tu devrais au fond presque décalquer la planche d'Edgar et la redessiner le papier définitif. Au fond, c'est un peu comme la planche comme elle est là. L'esquisse, c'est un peu comme Martin me donnait quand j'ai fait avec lui le repère du loup. Eh bien, cette planche-là, c'était ça. Et moi, j'achevais donc c'est le scénariste scénariste dessinateur dans ce cas-ci, ici aussi. Jacobs, le dessinateur, scénariste. Et le dessin, bon, c'est achevé. C'est le problème d'attraper les personnages quand vous passez de Hergé à Jacobs et à Jacques Martin. Oui, mais ça, il s'avère que je n'ai aucune difficulté à m'adapter. C'est pour ça les pastiches, j'en ai fait d'autres. J'ai fait des tas de choses. J'ai fait Gloire la bande dessinée, par exemple, avec avec des centaines de monuments, avec des centaines de personnages et de bandes dessinées. Alors chaque fois, il fallait que je vois comment le dessinateur avait dessiné, bien sûr, son personnage. Mais ça n'est pas difficile pour moi. Oui, c'est pour ça qu'il pensait à toi toujours, parce que d'abord il t'appréciait beaucoup. Et puis c'est-à-dire en 84, il voulait plus qu'on termine sa tome 2, suite que Jacques Martin avait lancé le bruit qu'il allait le faire en Suisse. Alors, comme il voulait pas il avait fait un papier comme qu'on pouvait plus continuer. Mais maintenant, dans son testament, il demande à la Fondation et au studio Jacobs d'en prendre la charge et de voir comment faire pour le terminer, quoi. Donc, nous, on avait discuté, et au fond, comme je disais, il n'y a pas de hasard, tu as quitté le studio Hergé. Mais je dirais que ça tombe bien. Oui. ça tombe bien parce que bon, j'aurais peut-être en restant si le studio serait resté, j'aurais peut-être fait l'histoire aussi, je ne sais pas. Ça c'est difficile à dire. En tout cas maintenant je peux encore une fois, bien sûr que je regarde maintenant, que je pense en premier lieu à mes propres histoires, hein, mais c'est comme un travail qu'on fait, et puis en plus avec le plaisir, comme je disais, de voir un peu comment, afin de voir l'histoire de Sato achevée, je crois que ça fera beaucoup de plaisir à beaucoup de lecteurs de Jacobs, et en plus, bon, parce que ça reste, comment dirais-je, Jacobs est mort, mais il n'est pas mort, et si cette histoire, si je la continue, je dessine Blake Mortimer, et c'est comme si j'avais Jacobs à côté de moi, quoi. Enfin, hein, donc c'est un multiples plaisirs, quoi, enfin, pour le faire. Je crois que même pour entrer dedans, même chez toi, tu devrais avoir comme ça dans, sur ta planche, comme ça, enfin, dans ton atelier, un peu des décors ou une ambiance oui, c'est ça, japonaise oui. pour rentrer oui. dans... Oui, mais c'est comme... mais ça sera la même chose à chaque début de bande dessinée. Si c'est des Jacob, si c'est des G, si c'est à moi, Igor Martin. Bon, chaque fois, on commence à se mettre dans le bain. Edgar P. Jacobs, un opéra de papier, deuxième volet par Jean Dève, réalisation Jean Couturier, première diffusion sur France Culture le 8 août 1987. Depuis cette date, le deuxième tome des trois formules du professeur Sato est paru, dessiné par Bob Demore, et l'on sait que les héros d'Edgar P. Jacobs ont survécu à leur créateur et vécu de nombreuses autres aventures, dont la dernière en date, La Malédiction des 30 deniers, signé Jean Van Hamme, René Stern, Chantal de Spiegler, qui vient d'être publié aux éditions Black et Mortimer.